بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Quand nous regardons cela, nous qui voyons aujourd'hui, deux, trois paroles profitables, nous qui essayons de commenter, ça nous regarde dans une série de questions. Hein. En série de questions, nous commençons et puis deux, trois frères. Donc, à entrer des corps, nous en laissant. Deux, trois questions pour nous montrer ces mondes-là, pour nous montrer ces mondes matiniques, ces mondes dans ces Antilles-là, pour montrer ces Antilles-là, ça qui est l'islam. C'est pour ça qu'il s'hérita, nous, c'est en nous apprendre ça qui est l'islam. Et donc, première question qui nous est, c'est est-ce vous savez ça qui est l'islam? Est-ce vous savez ça qui est l'islam? Question ta, c'est une question qui est importante même pour chi. Parce qu'en réalité, en vrai, série ta, toute série à toutes ces questions que nous qui posé et nous qui basons ces réponses là, yo tout yo lié à question ta. Toutes les questions que nous qui ouais après ça, en réalité, en vrai, c'est des explications, des détails pour question ta, pour première question ta. Et donc, est-ce que vous savez ça qui est l'islam? Réponse là, l'islam, c'est religion, toutes ces prophètes-là. L'islam, c'est religion, toutes ces prophètes-là. En pile moun, les yo katan ça, les yo katan que l'islam, c'est religion, toutes ces prophètes-là, yo ka, ça ka choqué yo. Comment on y est, l'islam, c'est religion, toutes ces prophètes-là? C'est pas ça nous tend, c'est pas ça nous apprendre, c'est pas ça nous voir la télé, hein? Yo ka dire la télé, nous ka voir que l'islam c'est religion Mohammed, c'est pas religion tous ces prophètes là. Et ça c'est un point moi les autres concentrer qu'aux autres en les pointant à Tibouin. Pouchi parce que à présent ces temps là nous katan en l'omoun. Yo ka dire nous ah ces médias yo ka menti ba nous. Hein, yo ka menti ba nou pou zafè corona, yo ka menti ba nou pou zafè vaccin, yo ka menti ba nou pou ça. Se moun nan yo la ka kritike se media, yo ka di ou se media ka menti. Mais la yo ka vin ba ou information totalement erronée dans l'islam. Ou ka di yo mais kote ou prend ça? Kote ou prend information ta? Yo ka di ou a dans télé les médias? A dans télé ah. Et donc ça là qu'on a dit qu'il a menti. En les corona, en les vaccins, en les tout ça. Ça là qu'on a dit que c'est où qu'a dit qu'il a menti. Eh ben, pour tout pas qu'a dit qu'il a menti à l'islam aussi. Pour tout pas qu'a dit qu'il a menti à l'islam aussi. Et c'est pour ça c'est à nous, c'est rôle nous, musulmans matiniques, si nous pas qu'a montrer ces monde là. Famille nous, voisins nous, Zami nous, si nous pas qu'à montrer yo, ça qui l'islam, qui moun ke montre yo? Qui moun ke montre yo? C'est pour ça c'est une responsabilité. Faut que nous montrer les moun ça qui réalité, ça qui religion ta. Parce que zot savent que les médias yo ka sali religion ta. Et c'est pour ça en nous apprendre ça qui l'islam, ça qui réalité religion ta là. Et donc l'islam nous ka dit, nous ka affirmé, l'islam c'est religion, toutes ces prophètes là. Et ça, nous ka wey a dans définition en même. Nous disons, l'islam, c'est religion, tous ces prophètes-là. Et c'est qui ça? Qui vous soumet corps pour ta la qui crée yo. Et qui vous adore, li tout seul. Et qui vous obéit. Et donc, à présent, ben la vin clé. Ben la tourne clé à tout le monde. Tout le monde, pour chi. Parce que si nous demandons ces mouns-là, est-ce ces prophètes-là, soumettre koyo pour ta qui créé yo. Tout le monde a dit oui, bien sûr. Mais oui, c'est qu'au fait là, yo soumettre koyo. Ou ka dit yo taïb, ok, d'accord. Est-ce ces prophètes là, yo te ka adoré ta la qui créé yo seulement, ou alors yo te ka adoré d'autres divinités? Yo ka dit yo, ces prophètes-là, ils ont été qu'à adorer Satan-là qui créait eux seulement. Ils ont été qu'à adorer bon Dieu. Ok, d'accord. Ou comment dire, est-ce ces prophètes-là, ils ont été qu'à obéir bon Dieu ou ils ont été qu'à désobéir? Ils ont dit, ces prophètes-là, ils ont été qu'à obéir. Eh bien, c'est ça l'islam. Ou quand ils ont dit, c'est ça l'islam. À présent, ça vient clair. Ces prophètes-là, ils ont tous, ils ont tenu même religion. Ils ont tous, ils ont été musulmans. Pourquoi? Parce que ils ont tous, ils ont été soumis. L'islam, c'est que vous soumettez corps pour ta la qui crie. Que vous adorez, il est tout seul. Que vous obéissez. Et c'est ça, ces prophètes-là fait. C'est pas moi qui ai inventé. Zop tout zop qui a dit ça. Et c'est ça nous qu'on voit dans la Bible, c'est nous qu'on voit dans le Coran. Et donc, l'islam, c'est religion, tous ces prophètes-là. Et même si nous méditons, nous pouvons même dire l'islam, c'est religion, c'est apôtre-là aussi. Hein. Puisque ces apôtres-là, ils suivent Jésus. Ils suivent Jésus. Et donc, l'islam, c'est religion, c'est apôtre-là aussi. Et c'est pour ça nous qu'on trouvé ça dans le Coran. Adam Coran, Allah qui a dit nous, Adam Surat, Tala, c'est Surat El-Me'ida. Surat El-Me'ida, je vais aller chercher le numéro à Bazot. Côté yé, côté Coran yé. Alors, pour vous noter, Adam Surat El-Me'ida, c'est Surat numéro 5. Surat numéro 5 là, verset numéro 111. Surat numéro 5, verset numéro 111. Donc, on va faire mon Coran. Allah, c'est qu'a dit nous. Il a dit nous. Wa idh awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Les moins inspirés, ces apôtres-là. Les moins inspirés, ces apôtres-là. Pour yo ni la foi. Yo quoi moins et yo quoi messager moins. C'est-à-dire Jésus. Kolu amanna washhad bi annana muslimun. Yo dit, donc c'est apôtre là ça, yo dit, nous ni la foi, nous ka kwe. Et ou peut attester que nous soumettons comme nous. Ou alors nous ka dit, ou peut attester que nous musulmans. Parce que c'est même signification. Ou ka dit nous musulmans, ou ka dit nous soumettons comme nous, c'est même signification. C'est pour ça tout le monde a dit, est-ce que ces apôtres-là, ils soumettent pour bon Dieu, pour Allah qui crée yo. Tout le monde a dit oui. Et donc, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Et à présent, dans Surat al-Anbiya. Surat al-Anbiya, verset numéro 91-92. Mais avant verset là, Allah est capable de nous, dit ces prophètes-là de façon générale. Ici, tu es en pile prophète. Ici, t'es plusieurs prophètes comme ça. Ça y'a qu'à faire. Ça y'a fait. Ça c'est mon l'enfer. Et puis yo, etc. Ici, t'es un pile bagaille. Et après ça, Allah a dit nous. Wallati ahsanat farjahe. Et Tala qui préservait chasteté là. C'est Tala qui pas perdre chasteté là. C'est qui moun qui là? C'est Marie. Et donc Allah à présent, il a parlé nous dit Marie. Et t'as là qui préservait chasteté là. Fenefahna fi hamir ruhina. Alors, nous insufflait Adam, esprit noir. Ah, ça c'est un sujet qui est important. Si vous êtes, par contre, il y a un français, moi j'ai abordé ce sujet là dans le site moi. Vous pouvez trouver en conférence en les sujet là, l'Esprit Saint. Parce que ça, c'est en ambiguïté. C'est au cas trouvé. Donc, ces chrétiens, ils ont dit nous que Jésus c'est bon Dieu c'est Jésus, l'Esprit Saint, Pouchi, c'est en seule personne, c'est en seule essence qu'il a. Ils ont dit nous ça. Pouchi, parce que l'Esprit Saint, sujet à là. C'est sujet à là qui fait que ils ont trompé Koyo. Les bon Dieu, les Allah qui a dit nous qu'il insufflé l'Esprit à dans Marie. C'est Léa. C'est pas que Esprit Ta, c'est en partie dit Allah qu'il a. C'est que Esprit Ta, c'est lui qui crée. faut pas nous comprendre ici que esprit Allah c'est en partie esprit Allah qui a fait partie dit Allah. Non, esprit Allah c'est lui qui crée. C'est pour ça il dit nous esprit moi. C'est comme si à présent moi la manifeste moi devant moi. Moi qui a dessiné en loto. Moi qui a pris crayon moi, moi qui a dessiné en loto en les feuilles là. Moi qui a voir qui monde qui connecté. Moi qui a voir parmi ces monde là qui connecté, nous ni Jawed ou nous ni Bilal. Moi qui a dit Bilal, bon Bilal, est-ce où les loto moi? L'auto moi, est-ce ça le dit que l'auto a qu'a fait partie dit moi ou alors c'est l'auto moi parce que c'est moi qui fait. C'est l'auto moi parce que c'est moi qui fait. C'est pas qu'on bras moi qu'a fait partie dit moi. Et donc c'est là que yo pas comprendre. Là yo ouais, dans ce texte là, esprit moi, yo comprendre que esprit a qu'a fait partie dit bon Dieu. Mais non, c'est lui qui créé. C'est pour ça qu'a dit esprit moi. Et donc ça faut que nous comprendre ça. Et donc il a dit nous dans verset là, il a dit nous alors nous insuffler Adam et donc Adam Mariam esprit nous en waj'alna wa ibnaha ayatan lil alamin et nous fait en sorte que Mariam que Marie et puis Ishli c'est un signe pour toute l'humanité. Mais oui là au cas où comment y est Jésus net ça c'est un signe qui t'a montré au puissance bon Dieu que il fait Jésus net et il pas ni pièce papa. Et donc ça c'est un signe pour toute l'humanité. Et après ça c'est qu'a dit nous Allah, il a dit nous inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Religion ta là. Et donc là ici tu es un lot prophète ba nous. Et après ça ici tu es Marie, Jésus et qui a dit nous religion ta là inna hadhihi ummatukum certes religion ta là certes religion zot c'est en seule religion ah c'est en seule religion et non c'est bon Dieu zot alors adorer moi c'est et moi mon seigneur zot mon bon Dieu zot alors adorer moi et donc c'est ça l'islam c'est religion toutes ces prophètes là. Yo tout yo teni même religion. Certes religion zot c'est même religion. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Et donc yo tout yo vinn tous ces prophètes là yo vinn et puis même religion. Après ça si nous regardons encore dans sourate 6 Al-An'am verset 90 ça là qu'a dit nous aussi il a dit nous أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي verset nous aoui dans l'autre coup donc ces monta là c'est yo que Allah guidé alors suivre guider yo Allah a dit ça puis prophète lui prophète Mohammed là il a dit suivre guider ces autres prophètes là suivre guider ces autres prophètes là et donc yo tout yo tenu même religion yo toutes. C'est pour ça nous qu'a affirmé, nous qu'a dit l'islam c'est religion tous ces prophètes là. Et c'est que on soumet corps. C'est ça l'islam, c'est la soumission, c'est que on soumet corps. Et c'est pour ça nous qu'a dit monsieur musulman, c'est-à-dire monsieur qu'a soumet corps. Deuxième question que nous poser parce que moi pas les faire long non plus là. Deuxième question hein? Est-ce que vous savez ce qui est plus important, parole là, à dans l'islam? Réponse là, il n'y a pas ni pièce divinité qui a mérité adoration hein, sauf Allah. Ah! Ces paroles là, en arabe, nous avons dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a pas ni pièce divinité qui a mérité adoration hein, sauf Allah. C'est plus parole là que vous avez rentré dans l'islam. C'est pi parole ta là quand on rentre en islam. Et moun lan qui pas qu'à appliquer parole ta qu'a sorti de l'islam. Même si il a dit qu'il est musulman. Il peut dire qu'il est musulman, s'il si pas appliquer parole ta là, il qu'a sorti de l'islam parce que c'est ça base islam là. C'est que pas ni pièce divinité qui a mérité adoration sauf Allah. Si ou un moun qui a adoré en l'autre divinité et qu'il a dit oui musulman, dit c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est qu'on adore en seule divinité. Et en nous méditer, en l'ayant versé à dans le Coran, sourate 2, verset 255. C'est un verset qui est très connu, Ayat al-Kursi. Allah, il a dit nous dans le verset là, il a dit nous, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, pas une pièce divinité qui a mérité l'adoration, sauf lui. Il sait el-hayy, il sait vivant, c'est lui qui sait vivant. El-Koyoum. El-Koyoum, ça, manque expliquer les autres plus tard. Nous ne pouvons pas garder comme ça, nous ne pouvons pas traduire. Parce que, terme ta type bien red, et donc manque expliquer les autres plus tard. Et donc, Allah, c'est lui qui est vivant, et donc il n'est pas qu'à moi. Et il sait El-Koyoum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sommeil là. Ou alors, somnolence là avec sommeil là, pas qu'à prendre. Somnolence là avec sommeil là, pas qu'à prendre. Ça nous qu'à comprendre dans verset là. À dans verset là, écoutez bien. Allah, pas une pièce divinité qui a mérité l'adoration, sauf lui. Et qu'a dit nous ça en début pour commencer verset, et qu'a dit nous ça. Et après, il a montré nous deux, trois éléments qui a montré que c'est lui seul qui a mérité adoration. Et c'est qui ça, ces deux, trois éléments-là? Il a dit nous, c'est lui qui c'est le vivant. Il pas qu'à mort. Méditez en l'air ça. Si j'en dis, on commence à adorer en divinité qui a mort. Et même si en divinité qui a mort, qui ressuscite après ça. Pendant que divinité a mort, qui moun nous a invoqué? Pendant que divinité a mort, qui moun nous a invoqué? Qui moun nous a mandé bon? Banou la force. Il mort. Yo ka di nou par exemple, Jésus mort, il ressuscité trois jours après. Pendant Jésus mort, pendant ces trois jours, ce moun nan yo ta ka invoqué qui moun? Ça c'est un problème ça. Allah, c'est lui qui c'est le vivant. Il pas qu'à mort. Il toujours là. Ou peut mander tous les jours. Ou peut mander à n'importe qui moment, n'importe qui l'est. Il c'est le vivant, il est toujours là-bas, nous. Et ça, ça a montré puissance à Allah. Que c'est lui qui sait, bon Dieu, toute bagaille. C'est lui qui crée toute bagaille. C'est lui qui est tout puissant. Par contre, en divinité qui est à moi, ça a montré en faiblesse. Ça a montré en signe de faiblesse. Ensuite, il a montré, il a dit nous à Allah, que il sait El Koyoum. Ah. C'est qui c'est El-Koyoum? El-Koyoum, c'est Allah qui tient tout seul. Allah qui tient tout seul. Il n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin de ces autres-là. Et aussi, El-Koyoum, c'est lui qui a géré toutes les affaires ces autres-là. Et donc, il y a tout le besoin. Et donc, El-Koyoum, Allah, c'est lui, il n'a pas besoin de pièces créatives parmi créatives là. Il n'a pas besoin yo. Mais toutes ces créatives là, il a besoin. Il a toutes. Et ça, c'est un élément qui est essentiel, qui est très important pour nous comprendre. Pour qui Allah, c'est lui seul qui a mérité l'adoration. Je vais vous donner un petit exemple. Si en créatif, ou dis-moi, si en divinité, besoin créatif. Je vais vous donner un exemple. Si en moun, que c'est moun qui a adoré. Et moun ta, il y a dans le désert là. Il faim. Il besoin manger. Est-ce que moun ta a mérité adoration? Non. Pouchi, parce que il besoin, c'est créatif. Il besoin manger. Manger, c'est un créatif. C'est bon Dieu qui crée manger. Il n'est pas venu tout seul. Et donc, c'est bon Dieu qui crée tout ça qui est assis la terre. Et donc, moun la, il a besoin de manger. Pour qui nous adorer, s'il a besoin de manger. S'il a besoin d'autres créatifs, pour qui nous adorer. En nous adorer, tu as qui tout puissant. Tu as qui pas besoin de pièces créatives. C'est pour ça nous qu'a dit toutes ces voisins nous, famille nous qu'a dit yo méditer à dans la Bible. Zot ka wè que Jésus, il était dans désert là, il était ka jeûner et il était ni faim. Il était ni faim, il trapait faim. Et donc ça c'est en preuve que nous peut pas adorer. Pour tu adorer, il trapait faim. Il besoin manger à. Si pas pour manger, il ka mort. Il besoin manger à. Et donc ça c'est un signe qu'on pas ou pas pour adorer. Pour qui? Parce que il besoin c'est créatif. Allah c'est lui qui c'est El Koyoum. El Koyoum, donc tu as là qui pas besoin personne et tout le monde besoin. Messieurs. Ah, ça vraiment nous tu as là qui a montré puissance Allah. Ça c'est vraiment très important. Et après il a dit nous la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Somnolence là, ex sommeil là, pas qu'à prendre. Somnolence là, ex sommeil là, pas qu'à prendre. Pouchi, pas si parfait. C'est lui qui c'est tout puissant. Et en fait, il pas calas. Il pas calas. C'est pour ça que ces musulmans, yo pas qu'à dire. Yo pa ka di que bon Dieu il repose koy 7e jour après il crier les cieux tout ça qui a dans les cieux et assis la terre. Bon Dieu pa repose koy. Ces musulmans yo pa di ça pouchi parce que yo savent que Allah pa kalas. Il pa kalas. Ça c'est un signe, ça c'est spécifique pour ces créatures parce que ces créatures yo faibles. Nous besoin dormir. Je dis en Martinique et à présent, il 19h en Martinique. En France, il est 10 matin, mon besoin dormir. Votre carré, mon besoin dormir parce que mon sang créatif, mon faible. Mais Allah pas calas. C'est pour ça, c'est moment yo ka rabaisser. Là yo ka dit que yo ka essayer rabaisser, il yo ka dit que il reposer quoi. Et ces musulmans yo pas accepté ça. Yo ka dit non. Bon Dieu, Allah, c'est lui qui c'est tout puissant. Il pas besoin de repos. Il pas besoin de reposer quoi. Et c'est pour ça que nous avons adoré. Parce que c'est lui qui est tout puissant, il parfait. Si vous dites moi qu'il a besoin de reposer, c'est qu'il pas parfait. Il pas parfait. Et donc, faut qu'on adore divinité qui est parfait. T'as là qui mérite adoration, c'est t'as là qui est parfait. Ensuite, troisième question que nous avons. Ça qui Allah? Et donc là, à présent, nous avons que Allah, c'est lui qui mérite l'adoration. Et donc, c'est mon langage qui nous mais ça qui Allah, en fait? Ça qui Allah? Et puis, nous avons ça l'est dit. C'est mon langage, il n'y a pas l'habitude. Ça, c'est arabe qui là. Nous n'avons pas l'habitude de tant ça. Allah, ça l'est dit. Et ça qui Allah? Et c'est vrai parce que ces moun lan là yo tande Allah yo ka pensé que ces musulmans yo ka adorer en statue yo ka pensé ces musulmans ka ni des moun qui te ka pensé que nous te ka que nous ka adorer soleil là yo pas savent ça qui Allah parce que yo habitué yo tande bon Dieu mais si vous regardez dans dictionnaire français créole parce que nous ka parler créole aujourd'hui là. Donc aujourd'hui, nous concentrons nous sur le dictionnaire français créole. Là, regardez, à un mot, seigneur. Seigneur en français. Seigneur en français, il y a une traduction en bondier. Bondier ou alors saigner. Et donc ça, ce n'est pas un nom, ça c'est une caractéristique qu'il a. Ça, ce n'est pas un nom. Bondier, ce n'est pas un nom, c'est une caractéristique. Alors, ça qui nom? Ça qui noy, nous qu'a dit noy c'est Allah. Noy c'est Allah. C'est pour ça dans réponse là nous dit Allah c'est Allah qui créé tout ça qui ni en ciel là et qu'assis la terre. Et non t'ala, donc Allah non t'ala, il est dit t'ala qui adoré. T'ala qui adoré. Et donc Allah c'est lui qui créé toute bagaille. Et ça, c'est un point aussi qui est important même, mais nous ne pouvons pas les dire ça aujourd'hui. Pour qui, Parce que il y a une autre question qui vient après ça. Pour l'instant, nous avons trois questions seulement. Nous avons plusieurs questions les sujets dans l'islam. Et pour l'instant, nous avons trois questions seulement. Mais il y a d'autres questions qui viennent et nous avons abordé. Nous avons parlé des sujets là. Que Allah, c'est lui qui crée toute bagaille. Et ça, c'est important. Ça, c'est un bail nous besoin pour nous garder adoration. Qui nous pour adorer. Et nous avons développé ça plus tard. Et donc Allah, là nous a dit que non Allah ou non Allah, il est dit Allah qui est adoré. Ça c'est un bail qui est grandiose, qui est très important. Allah, en arabe, ça lui dit Allah qui est adoré. Parce que c'est lui seul qui a mérité que nous adorions. C'est lui seul qui a mérité ça. Et il y a une règle importante dans l'islam, mais qu'à base d'autres règles. Règle ta en arabe, c'est Esma'ullahi a'lamun wa awsaf. Esma'ullahi a'lam wa awsaf. Ces noms Allah, c'est des noms propres, mais c'est aussi des caractéristiques. C'est des noms propres, mais ça aussi des caractéristiques. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous, ces mouns-là, nous ni non. Nous peignons, par exemple, en bougre, il y a crié Karim. Karim en arabe. Karim, c'est généreux en français. Karim, c'est généreux en français. Et donc, nom ta, nom propre là, c'est Karim. Mais est-ce ça les dit que mounta là, que bougta, c'est un bougre qui est généreux? Pas obligé. Il se peut comme nous l'en nom, c'est Karim, mais il n'est pas généreux pièce. Il y a l'autre monde, non, c'est Abdullah. Abdullah, ça le dit. Serviteur Allah. Quelqu'un a adoré Allah. C'est un monde qui lui a piété. Et donc, il se peut qu'il y ait un monde qui n'y n'ont pas là et qui au final, il n'a pas qu'à adorer Allah, il n'a pas qu'à prier, il n'a pas qu'à jeûner. Il n'a fait rien qui jouait ces mouns-là. Il n'a pas la piété. Et donc, nous, ces mouns-là, nous n'y des noms propres, mais nous n'avons pas qu'à impliquer en caractéristique. Par contre, Allah, il n'y des noms, et puis tout nom, il n'y en caractéristique. Et ça, c'est important. Et donc, Allah, caractéristique là, c'est que c'est lui qui a adoré. C'est lui que nous avons adoré, que ces mouns-là pour adorer. C'est lui qui a mérité adoration. C'est ça les dit, nous t'as là, Allah. Nous n'avons pas besoin d'un nom parce que ces mouns Martinique, yo, par exemple, ils n'ont pas habitué. Ils n'ont pas habitué puis Karim, ils n'ont pas habitué puis Abdullah, ils n'ont pas habitué puis Jawed. Hein? Alors nous n'avons pas ces mouns Martinique là en nom que yo connaissent. Jean-Baptiste. Pas dit, moi, ils n'ont pas connaître Jean-Baptiste. Et donc, Jean-Baptiste, côté nous prend nota dans la Bible, parce que c'est pour. C'est un nom qui est attribué à un saint qui connaît dans la Bible. Il a crié Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui baptisait Jésus. Dans la Bible, il a dit que Jean-Baptiste, c'est lui qui baptisait Jésus. Et c'est un monde qui te connaît, c'est un monde qui n'y a piété, c'est un monde qui n'y a un bon comportement, toute bagaille. Si un monde, nous qu'a crié Jodia, nous qu'a crié Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste a il qu'a volé, il qu'a menti, il pas qu'a baptisé personne, lui-même il pas baptisé. Est-ce que vous comprenez? Et donc nous ces mouns-là, nous ni des noms propres, mais noms propres t'as pas qu'à impliquer forcément caractéristiques. Par contre Allah, non, c'est non qu'il y a plusieurs noms. C'est pas Allah seulement il y a plusieurs noms et tout noms. Qu'a montré nous en caractéristique. En caractéristique. Et non, t'as là Allah qui a montré nous caractéristique Adam adoration. Parce que c'est lui seul qui a mérité adoration. Et donc voilà, nous avons arrêté là pour aujourd'hui. Messieurs, je t'ai espéré que nous t'ai fait 15 minutes, nous fait 30 minutes. Ben là, arrête, ben là, pas facile. Nous n'y en pile ben pour dire. Et moi, quand dis autres, n'y en pile ben, m'en pas dit. Et donc. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons continuer. Nous allons continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous allons demander à Allah de faciliter nous. Nous allons demander donc, bah, nous, la réussite dans tout ça nous allons entreprendre. C'est lui qui est capable de toute bagaille. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إما كديزوت على الصلاة إن شاء الله.